souvent prisonnier de la mélancolie. Je devrais me protéger de ce monde bien étrange, de la colère chez moi, de l'empathie. En fait, un savoureux mélange, perdu quand j'entends nos différences nous séparer, alors qu'elles devraient se compléter. Triste quand je prends l'égoïsme en pleine gueule, des fois je suis fatigué d'espérer. Mais la vie me l'enseigne, faut pas lâcher l'affaire, non, jamais. Je garde la tête haute, même si je vacille, parfois c'est vrai. Dans ce train qui m'emmène tout doucement vers la fin, je ferai un maximum d'arrêts pour découvrir l'être humain, ce qu'il a de meilleur et ce qu'il fait de pire. Et je resterai positif, du moins je l'espère, malgré le temps qui empire. Et pour me soulager, je laisserai les mots faire les choses. J'écrirai mes mots, mes espoirs, sous forme de prose. Enfin des proses à vrai dire. Je me sens pas vraiment poète. Mettre des mots sur des mots. Télé.